Chapitre 5e. Pendant plusieurs semaines, le père Serge vécut avec une seule pensée qui ne le quittait pas. Faisait-il bien en se soumettant à la situation dans laquelle, moins lui-même que l'archimandrite et le supérieur l'avaient placé? Cela avait commencé après la guérison d'un garçon de 14 ans, et depuis, chaque mois, chaque semaine, chaque jour, Serge sentait que sa vie intérieure se détruisait et se remplaçait par la vie extérieure. C'était comme si on l'eût retourné. Serge voyait qu'il était un moyen d'attirer au couvent les visiteurs et les bienfaiteurs, et que c'était pourquoi les autorités monacales le plaçaient dans les conditions où il pouvait être le plus utile. Par exemple, on ne lui laissait plus la possibilité de travailler. On lui donnait tout ce qui pouvait lui être nécessaire et on exigeait de lui qu'il ne refusât pas sa bénédiction aux personnes qui venaient le voir. Pour sa commodité, on avait fixé le jour qu'il recevait. On avait aménagé une salle de réception pour les hommes, avec un endroit entouré d'une barrière, afin qu'il ne soit pas renversé par les visiteurs qui se pressaient vers lui, d'où il pouvait bénir ceux qui venaient. Si on lui eût dit qu'il était nécessaire aux gens, qu'obéissant à la loi d'amour du Christ, il ne pouvait refuser de se montrer à ceux qui désiraient le voir, que son refus serait une cruauté, il lui eût été impossible de ne pas convenir. Mais à mesure qu'il se laissait aller à cette vie, il sentait que l'intérieur devenait l'extérieur, qu'en lui se tarissait la source d'eau vive, et que ce qu'il faisait, il le faisait de plus en plus pour les hommes et non pour Dieu. Faisait-il un sermon? Bénissait-il les visiteurs? Priait-il pour des malades? Donnait-il des conseils aux gens sur la direction de leur vie? Écoutait-il les remerciements de ceux qu'il avait secourus ou par la guérison, comme on le lui affirmait, ou par ses paroles? Il ne pouvait ne pas s'en réjouir. Il ne pouvait ne pas songer aux conséquences de ses actes, à son influence sur les hommes. Il pensait qu'il était un flambeau ardent, et plus il pensait cela, plus il sentait que s'affaiblissait, que s'éteignait la lumière divine de la vérité qui brûlait en lui. De ce que je fais, combien y a-t-il pour Dieu et combien pour les hommes? Cette question le tourmentait sans cesse, et jamais il ne pouvait ou plutôt ne se décider à y répondre. Il sentait au fond de son âme que le diable avait remplacé toute son activité pour Dieu par son activité pour les hommes. Il le sentait, parce que de même qu'auparavant il lui était pénible d'être arraché à sa solitude, de même maintenant sa solitude lui pesait. Les visiteurs le fatiguaient, mais au fond de son âme il était heureux de les recevoir et se réjouissait des louanges dont on l'entourait. À un certain moment il avait résolu de s'en aller, de disparaître. Il avait même tout combiné pour cela. Il s'était préparé une blouse de paysan, un pantalon, un cafetan et un bonnet. Il avait expliqué que ces choses lui étaient nécessaires pour donner à ceux qui demandaient, et il les gardait dans sa cellule, réfléchissant comment il se vêtirait, se couperait les cheveux et s'en irait. D'abord il prendrait le train, ferait en chemin de fer 300 verstes, et ensuite irait à pied et mendierait dans les villages. Il questionna un vieux soldat pour apprendre de lui comment il mendiait, ce qu'on lui donnait, où on le laissait passer la nuit. Le soldat lui apprit où et à quelle époque on donnait plus volontiers et où on l'accueillait plus facilement pour la nuit. Le père Serge voulut faire ainsi. Une fois même, il s'habilla, pendant la nuit, se préparant à partir. Mais il ne savait ce qui était bien, rester ou partir. D'abord, il était indécis. Puis l'indécision passa. Il s'habitua et se soumit au diable. Seul l'habit de paysan lui rappelait ses pensées et ses sentiments. Le nombre des gens qui venaient le voir augmentait de jour en jour. Et il lui restait de moins en moins le temps pour se fortifier moralement et fuir. Parfois, il se disait qu'il était devenu semblable à un endroit où était autrefois une source. Une faible source d'eau vive coulait doucement de moi. C'était la vraie vie quand elle me tenta. Il se rappelait toujours avec enthousiasme cette nuit-là et celle qui était maintenant la mère Agnès. Elle avait goûté cette eau pure, mais depuis, l'eau n'avait pas le temps de couler, que les assoiffés venaient et se bousculaient pour en avoir. Et il l'avait troublée. La boussole restait. Ainsi pensait-il dans ses rares moments de calme. Mais son état le plus ordinaire était la fatigue et l'attendrissement sur soi-même à cause de cette fatigue. C'était au printemps, la veille de la mezzo-pentecôte. Le père Serge disait les vêpres dans sa chapelle près de sa cellule. Il y avait autant de monde que la chapelle en pouvait contenir, une vingtaine de personnes. C'était rien que des messieurs et de riches marchands. Le père Serge laissait entrer tout le monde. Mais le choix était fait par le moine attaché à sa personne et que du couvent on envoyait chaque jour à son ermitage. Une foule d'environ 80 personnes, des pèlerins, surtout des femmes, attendaient au dehors la sortie du père Serge et sa bénédiction. Le père Serge officiait. Quand il sortit en chantant la gloire de son prédécesseur, il chancela, et serait tombé si un marchand et un moine, faisant office de diacre, qui se trouvaient derrière lui, ne l'eussent soutenu. « Qu'avez-vous, père Serge, cher père ? Ah, Seigneur Dieu !» prononça une voix de femme. « Il est blanc comme un linge. » Mais le père Serge se remit aussitôt, et bien que très pâle, il écarta le marchand et le diacre, et continua à chanter. Le père Sérapion, le diacre, le sacristain et une dame, Sophie Ivanovna, qui vivait toujours près de l'ermitage et soignait le père Serge, le suppliait de cesser le service. « Ce n'est rien, » dit le père Serge, en souriant à peine sous sa moustache et sans interrompre le service. « Les saints font ainsi, » pensa-t-il. « Le Saint-Ange de Dieu, » entendit-il prononcer derrière lui en même temps par Sophie Ivanovna et par le marchand qui l'avait soutenu. N'écoutant pas leurs conseils, il continua l'office. De nouveau, en se bousculant, tous, par le couloir, entrèrent dans la petite chapelle, et là, bien qu'en les abrégeant un peu, le père Serge termina les vêpres. Aussitôt le service terminé, le père Serge bénit ceux qui étaient là, et vint s'asseoir sur un banc, sous un orme qui se trouvait près de l'entrée de la grotte. Il voulait se reposer, respirer l'air frais. Il sentait qu'il en avait besoin. Mais à peine était-il sorti que la foule du peuple se jeta vers lui, lui demandant sa bénédiction, son conseil et son aide. Il y avait là des pèlerines qui marchaient sans cesse d'un lieu saint à l'autre, d'un religieux à l'autre, et qui s'attendrissaient toujours devant chaque lieu saint et devant chaque religieux. Le père Serge connaissait ce type ordinaire, artificiel, le moins religieux. Il y avait aussi des pèlerins, pour la plupart des soldats en retraite, des habitués de la vie sédentaire, des vieillards misérables qui, presque tous, buvaient et vagabondaient d'un couvent à l'autre seulement pour se nourrir. Il y avait des paysans et des paysannes ordinaires, avec leurs demandes égoïstes de guérison ou de conseils pour se décider dans les affaires les plus pratiques, le mariage d'une fille, la location d'une boutique, l'achat d'une terre, l'absolution du péché d'un enfant naturel. Le père Serge connaissait tout cela depuis longtemps, et cela ne l'intéressait pas. Il savait qu'il n'apprendrait rien de nouveau de ces gens, qu'il ne provoquait en lui aucun sentiment religieux. Mais il aimait avoir cette foule qui avait besoin de sa bénédiction, de ses paroles, et à qui elles étaient chères. C'est pourquoi cette foule lui était agréable en même temps qu'il en était fatigué. Le père Sérapion se mit à la chasser en disant que le père Serge était fatigué. Mais le père Serge, se rappelant les paroles de l'Évangile, « Ne les empêchez pas, les enfants, de venir à moi. » et s'attendrissant sur soi-même à ce souvenir, commanda de les laisser tranquilles. Il se leva, s'approcha de la barrière près de laquelle se pressaient les gens, et il se mit à les bénir et à répondre à leurs questions d'une voix dont la faiblesse l'émut lui-même. Mais son désir de les recevoir tous, il ne le put pas. De nouveau ses yeux s'obscurcirent, il chancela et se retint à la barrière. De nouveau il sentit que tout son sang affluait à la tête, et d'abord il pâlit, puis devint tout rouge. « Oui, évidemment, ce sera pour demain. Aujourd'hui, je ne puis pas, » dit-il, et donnant la bénédiction générale, il s'approcha du banc. Le marchand le soutint de nouveau, et le tenant par le bras, le fit asseoir. « Père, cher père, ne nous abandonne pas. Sans toi, nous sommes perdus, » disait-on dans la foule. Quand le marchand eut fait asseoir le père Serge sur le banc, sous l'orme, il assuma le rôle d'agent de police, et se dirigea résolument vers les gens pour les chasser. Il est vrai qu'il parlait bas, de sorte que le père Serge ne pouvait l'entendre, mais il disait résolument et d'un ton bourru, « Allez-vous-en, allez-vous-en, il vous a béni, et bien, que vous faut-il encore? Allez, autrement je vous donnerai des coups. Bien, bien, quoi? Hé, toi la vieille, va-t'en, va-t'en. Où vas-tu? On t'a dit que c'est fini. Demain on verra, mais aujourd'hui c'est fini. Cher père, « jette seulement sur nous un regard, » disait une vieille femme. « Je t'en jetterai un regard. Où vas-tu ? » Le père Serge, remarquant que le marchand agissait assez sévèrement, dit au sacristain d'une voix faible, de ne pas chasser le peuple. Le père Serge savait que le marchand les chasserait quand même, et il désirait rester seul et se reposer. Mais il envoya le sacristain dire cela pour produire bonne impression. « Bon, bon, je ne les chasse pas. Je les supplie seulement, » dit le marchand. « Ils sont contents d'achever un homme. Ils n'ont aucune pitié. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. On ne peut pas, on te dit de t'en aller, demain. » Et il chassa tout le monde. Le marchand déployait un tel zèle, parce qu'il aimait l'ordre, parce qu'il aimait à molester le peuple et à le gouverner, et principalement parce qu'il avait besoin du père Serge. Il était veuf, et avait une fille unique, malade, non mariée, et il l'avait amenée de 1400 verstes au père Serge afin que celui-ci la guérît. Depuis 2 ans que sa fille était malade, le marchand l'avait fait soigner en différents endroits. D'abord dans une ville universitaire, à une clinique. Le traitement n'avait eu aucun résultat. Ensuite, il l'avait conduite à un paysan du gouvernement de Samara. Elle avait éprouvé alors un léger soulagement. Après, il l'avait amenée chez un grand médecin de Moscou, à qui il avait payé de grosses sommes, mais qui n'avait rien fait. Alors quelqu'un lui ayant dit que le père Serge guérissait, il lui avait amené sa fille. Quand le marchand eut chassé tout le monde, il s'approcha du père Serge et sans plus de préparation tomba à ses genoux et lui dit d'une voix forte « Saint-Père, bénis ma fille malade, guéris-la du mal, j'ose recourir à ta sainteté. » Et il posa l'une de ses mains au-dessus de l'autre. Tout cela avait été dit et fait comme s'il s'était agi de quelque chose de très précis, exactement défini par la loi et la coutume, comme s'il fallait demander la guérison d'une fille précisément de cette façon et non d'une autre. Il avait fait cela avec une telle assurance qu'il sembla au père Serge lui-même que cela devait être fait et dit précisément de cette façon. Cependant, il lui ordonna de se relever et de raconter de quoi il s'agissait. Le marchand lui raconta que sa fille, âgée de 22 ans, était tombée malade après la mort foudroyante de sa mère. Elle avait fait « Oh !» disait-il, et depuis elle était malade. Voilà pourquoi il l'avait amenée de 1400 verstes, et elle attendait à l'hospice que le père Serge veuille bien ordonner de l'amener. Dans la journée, elle ne marchait pas, craignant la lumière, et ne pouvait sortir qu'après le coucher du soleil. « Est-elle très faible ?» demanda le père Serge. « Non, elle n'est pas particulièrement faible. Elle est assez corpulente, mais seulement elle est neurasthénique, comme disent les médecins. Si le père Serge ordonnait de l'amener aujourd'hui, je courrais tout de suite à l'hospice. Le père Serge vivifierait le cœur du père et par ses prières sauverait sa fille malade. » Le marchand tomba brusquement à genoux et la tête inclinée au-dessus de ses mains attendit. Le père Serge lui ordonna de nouveau de se relever et après avoir songé combien cette existence qu'il supportait cependant lui était pénible, il soupira profondément et après un silence de quelques secondes, il dit au marchand « Bon, amène-la ce soir. Je prierai pour elle. Mais maintenant, je suis fatigué. » Il ferma les yeux. « Va, je te ferai prévenir. » Le marchand s'éloigna sur le sable, sur la pointe des pieds, ce qui faisait grincer encore davantage ses bottes. Le père Serge demeura seul. Toute la vie du père Serge était remplie par les offices et les visites. Mais cette journée avait été particulièrement pénible. Le matin, il avait reçu un haut fonctionnaire avec qui il s'était entretenu longuement. Après, une dame avec son fils, jeune professeur de l'université, un incroyant que sa mère, qui croyait ardemment et qui vénérait le père Serge, lui avait amené en le suppliant de causer avec lui. L'entretien avait été très pénible. Le jeune homme, évidemment, n'avait eu envie de discuter avec le moine et tombait d'accord avec lui sur toutes les questions comme avec un homme faible. Mais le père Serge voyait que le jeune homme ne croyait pas, et que malgré cela, il se sentait très à l'aise et très calme. Maintenant, le père Serge se rappelait avec dépit cette conversation. « Voulez-vous prendre quelque chose, père ?» demanda le sacristain. « Oui, apportez-moi quelque chose. » Le sacristain alla dans la cabane construite à 10 pas de la grotte et le père Serge resta seul. Depuis longtemps déjà, le père Serge ne vivait plus seul, faisant par lui-même tout ce dont il avait besoin et ne se nourrissant que d'hosties et de pain. Depuis longtemps déjà, on lui avait fait entendre qu'il n'avait pas le droit de négliger sa santé et on le nourrissait de plats maigres mais très substantiels. Il mangeait peu, mais beaucoup plus qu'auparavant. Et il mangeait souvent avec un plaisir particulier, et non comme auparavant, avec dégoût et avec la conscience du péché. C'était ainsi maintenant. Il mangea du gruau cuit, la moitié d'un pain blanc et but une tasse de thé. Le sacristain s'éloigna, et il resta seul sur le banc, sous l'orme. C'était une merveilleuse soirée de mai. Les feuilles venaient d'éclore sur les bouleaux, les trembles, les ormes, les merisiers, les chênes. Les buissons de merisiers étaient tout en fleurs, et les pétales ne se détachaient pas encore. Un rossignol tout à fait près, et deux ou trois autres en bas, près du ravin, sifflaient et égrenaient leurs tris. Au loin, sur la rivière, s'entendait le chant des ouvriers qui rentraient probablement du travail. Le soleil se couchait derrière la forêt, semant ses rayons brisés à travers le feuillage. Tout ce côté était vert clair, l'autre était sombre, les scarabées volaient, se heurtaient aux arbres et tombaient. Après avoir soupé, le père Serge se mit à réciter une prière à lui. « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de nous. » Ensuite, il récita un psaume, et tout d'un coup, au milieu du psaume, un moineau, volant d'un buisson par terre, s'approcha de lui en pépiant et sautillant, puis, effrayé par quelque chose, s'envola. Il récitait une prière dans laquelle il parlait de son renoncement au monde, et il la récitait hâtivement afin d'envoyer chercher le marchand et sa fille malade. Elle l'intéressait. Elle l'intéressait parce que c'était une distraction, et aussi parce que son père et elle le regardaient comme un saint, dont la prière est exaucée. Il niait cela, mais au fond de son âme, il se croyait tel. Il s'étonnait souvent de ce que lui, Kasatsky, était devenu un religieux aussi extraordinaire, un thaumaturge, tout simplement. Mais il n'y avait point de doute qu'il était tel. Il ne pouvait ne pas croire au miracle qu'il voyait lui-même, à commencer par celui de l'enfant malade, qu'on lui avait amené le premier jusqu'au dernier, une vieille femme recouvrant la vue grâce à ses prières. Si étrange que cela fût, c'était ainsi. C'est pourquoi la fille du marchand l'intéressait. C'était une nouvelle personne qui avait foi en lui, et il pourrait par elle confirmer sa force de guérison et sa gloire. On vient de 1000 verstes. On écrit dans les journaux. L'empereur le sait. Dans l'Europe mécréante, on me connaît, pensa-t-il. Mais tout d'un coup, il eut honte de sa vanité et se mit de nouveau à prier. Seigneur, roi du ciel, consolateur, viens, guéris-moi de tout mal et sauve mon âme. Délivre-moi de la tentation de la gloire humaine qui m'a servi, répéta-t-il. Il se rappela combien de fois il avait demandé à Dieu la même chose, et combien vaines, sous ce rapport, avaient été, jusqu'à ce jour, ses prières. Sa prière faisait miracle pour les autres, mais lui-même ne pouvait obtenir de Dieu d'être délivré de cette passion mesquine. Il se rappelait ses prières les premiers temps de sa réclusion, quand il demandait que la pureté, l'humilité, l'amour lui fussent donnés, et qu'il lui semblait que Dieu les exauçait. Il était pur, s'était coupé un doigt, et il leva le moignon de son doigt et le baisa. Il lui semblait qu'il était humble alors qu'il ressentait du dégoût pour soi-même à cause de ses péchés. Il lui semblait qu'il possédait alors l'amour quand il se rappelait avec quel attendrissement il avait reçu un vieux soldat ivrogne qui était venu le trouver et lui avait demandé de l'argent. Et elle, mais maintenant. Et il se demanda s'il aimait quelqu'un, s'il aimait Sophie Ivanovna, le père Sérapion, s'il éprouvait le moindre sentiment d'amour pour tous ces gens qui étaient venus chez lui aujourd'hui, pour ce jeune savant avec qui il avait eu une conversation si instructive, ne se souciant que de lui montrer qu'il est intelligent et qu'il est au courant de la science. L'amour de ces gens lui était agréable, nécessaire, mais pour eux il ne sentait point d'amour. Il n'avait plus maintenant ni amour, ni humilité, ni pureté. Il lui était agréable que la fille du marchand eût 22 ans, et il désirait savoir si elle était belle. Quand il avait questionné sur sa faiblesse, c'était précisément pour savoir si elle possédait ou non le charme de la femme. « Suis-je tombé si bas ? » pensa-t-il. « Seigneur, viens à mon aide. Relève-moi, Seigneur mon Dieu. » Il joignit les mains et se mit à prier. Les rossignols lançaient leurs trilles. Un scarabée se posa sur lui et lui grimpa sur la nuque. Il le rejeta. « Mais existe-t-il ? Pourquoi frappais-je à la maison fermée du dehors ? La serrure est sur la porte et j'aurais pu la voir. Cette serrure, Ce sont les rossignols, les scarabées, la nature. Le jeune homme a peut-être raison. » Il se mit à prier à haute voix, à prier longuement, jusqu'à ce que ses pensées eussent disparu, jusqu'à ce qu'il se sentît de nouveau tranquille et sûr. Il agita une petite sonnette et dit au sacristain accouru de lui amener maintenant le marchand et sa fille. Le marchand, ayant sa fille à son bras, la conduisit dans la cellule et aussitôt s'en alla. Cette fille était blonde, très pâle, courte, très développée de forme, et avait un visage enfantin, effrayé. Le père Serge était assis sur le banc à l'entrée. Quand la jeune fille passa et s'arrêta près de lui, il la bénit et fut horrifié lui-même de la manière dont il regarda son corps. Elle passa et il ressentit comme la piqûre d'un dard. À son visage, il vit qu'elle était sensuelle et faible d'esprit. En l'attendant, elle s'était assise sur le tabouret. Quand il entra, elle se leva. « Je veux aller chez mon père, » dit-elle. « N'aie pas peur, » dit-il. « Qu'est-ce qui te fait mal ?»« Tout me fait mal, » dit-elle. Et tout d'un coup, son visage s'éclaira d'un sourire. « Tu seras guéri, » dit-il. « Prie. »« Pourquoi prier ? J'ai prié, et cela n'a rien fait. » Elle continuait à sourire. « Vous, priez pour moi, et posez vos mains sur moi. Je vous ai vu en rêve. »« Comment tu m'as vu ?»« Je vous ai vu. Vous avez posé votre main ici, sur la poitrine. » Et elle prit sa main et la pressa contre sa poitrine. « Voilà, ici. » Il lui abandonna sa main droite. « Comment t'appelles-tu » dit-il, tremblant de tout son corps et sentant qu'il était vaincu et ne serait pas maître de son désir charnel. « Marie. »« Eh bien ?» Elle prit sa main et la baisa. Ensuite, elle lui passa le bras autour du corps et le serra contre elle. « Marie, que fais-tu ? Marie, tu es le diable ! Mais non, ce n'est rien. » Et le tenant toujours enlacé, elle s'assit avec lui sur la couchette. À l'aube, il sortit sur le seuil. « Est-ce que tout cela est arrivé ? Le père viendra. Elle racontera tout. C'est le diable. Mais qu'ai-je fait ? Voici cette hache avec laquelle je me suis coupé le doigt. » Il prit la hache et retourna dans sa cellule. Son serviteur parut. « Il faut couper du bois. Donnez-moi la hache, s'il vous plaît. » Il lui remit la hache et rentra dans la cellule. Elle était couchée et dormait. Il la regarda avec effroi. Alors il décrocha les habits de paysan, s'en vêtit, prit les ciseaux et se coupa les cheveux. Puis, en suivant le sentier, alla vers la rivière où il n'était pas allé depuis 4 ans déjà. Une route côtoyait la rivière. Il la suivit et marcha jusqu'à midi. À midi, il entra dans un champ de seigle et s'y coucha. Le soir, il arriva à un village. Il n'entra pas dans le village, mais poursuivit sa route vers la rivière, jusqu'au ravin. Il fut là très tôt, une demi-heure avant le lever du soleil. Tout était gris et sombre. De l'ouest venait un vent froid précédant l'aube. Oui, il faut en finir. Dieu n'existe pas. Mais comment en finir ? Se jeter dans la rivière ? Je sais nager, je ne me noierai pas. Se pendre ? Oui, accrocher la ceinture à cette branche. Cela paraissait si possible, si réalisable, que l'horreur le saisit, et comme au moment de désespoir, il résolut de prier. Mais il n'y avait qui prier. Il n'y avait pas Dieu. Il était couché, accoudé sur un bras, et soudain, il ressentit un tel besoin de dormir qu'il ne put maintenir davantage sa tête sur son bras accoudé, mais allongea le bras, y appuya sa tête et s'endormit aussitôt. Mais ce sommeil ne dura qu'un instant. Il s'éveilla bientôt et commença tantôt à rêver, tantôt à se souvenir. Il se voit tout enfant dans la maison de sa mère, à la campagne. Une calèche arrive, et de la calèche descend l'oncle Nicolas Sergueïevitch, avec son énorme barbe noire taillée en pelle. Il a avec lui une fillette maigre, Pachenka, aux grands yeux doux et au visage timide, mince. Et voilà qu'à eux, aux garçons, on amène cette Pachenka. Il faut jouer avec elle et c'est ennuyeux. Elle est sotte. Et tout cela aboutit à ce qu'on se moque d'elle, et qu'on la force de montrer comment elle sait nager. Elle se couche par terre et le montre. Tous rient et la traitent en idiote. Elle s'en aperçoit, rougit et devient si piteuse, qu'on a honte, et qu'on ne peut oublier son sourire navré, bon, docile. Serge se rappelait l'avoir rencontré une fois après cela. C'était longtemps après, avant qu'il fût consacré moine. Elle était mariée, à à une propriétaire terrienne qui avait dilapidé toute sa fortune et la battait. Elle avait deux enfants, un fils et une fille. Le garçon était mort tout jeune. Serge se rappelait comme il l'avait vue malheureuse. Ensuite, il l'avait revue au couvent, veuve. Elle était toujours la même, on ne peut pas dire sotte, mais pas intéressante, misérable et piteuse. Elle était venue avec sa fille et le fiancé de celle-ci. Ils étaient déjà pauvres. Depuis, il avait entendu dire qu'elle vivait quelque part, dans une ville de province, et qu'elle était très pauvre. « Pourquoi ai-je pensé à elle ?» se demanda-t-il. Mais il ne pouvait chasser ce souvenir. « Où est-elle ? Que fait-elle ? Est-elle toujours aussi pitoyable que quand elle montrait sur le parquet comment on nage ? Mais pourquoi pensais-je ainsi à elle ? Qu'est-ce que cela signifie ? Il faut en finir. » Et de nouveau, il était saisi de terreur. Et de nouveau, pour y échapper, il pensait à Pachenka. Il resta longtemps couché, songeant tantôt à sa fin extraordinaire, tantôt à Pachenka. Pachenka se présentait à lui comme le salut. Enfin, il s'endormit. En rêve, il vit un ange qui venait à lui et lui disait « Va chez Pachenka et apprends d'elle ce que tu dois faire. En quoi est ton péché et en quoi est ton salut ?» Il s'éveilla, et décidant que cette vision lui était envoyée par Dieu, il se réjouit et résolut de faire ce qui lui avait été ordonné. Il savait dans quelle ville elle habitait. C'était à une distance de 300 verstes. Et il partit.